livre de Job. Il y avait dans la terre de Hus un homme qui s'appelait Job, et cet homme était simple et droit, et il craignait Dieu et fuyait le mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était grand parmi tous les orientaux. Et ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient un festin chacun à leur tour. Et ils envoyaient prier leurs 3 sœurs de venir manger et boire avec eux. Et lorsque ce cercle des jours de festin était achevé, Job envoyait chercher ses enfants et les purifier. Et se levant de grand matin, il offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Car il disait, « Peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job faisait tous les jours. Or, les fils de Dieu, étant venus un jour se présenter devant le Seigneur, Satan se trouva aussi parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu ? » Il lui répondit, « J'ai fait le tour de la terre et je l'ai parcourue tout entière. » Et le Seigneur lui dit, « As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, qui est un homme simple et droit, qui craint Dieu et fuit le mal ?» Satan lui répondit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? N'avez-vous pas protégé de toutes parts sa personne et sa maison et tous ses biens ? Vous avez béni les œuvres de ses mains et ses possessions se sont multipliées sur la terre. Mais étendez un peu votre main et touchez tout ce qui est à lui et vous verrez s'il ne vous maudira pas en face. » Le Seigneur répondit à Satan, « Va, tout ce qu'il a est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit aussitôt de devant le Seigneur. Un jour donc que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, un messager vint à Job et lui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient auprès d'eux, et les Sabéens se sont précipités, ont tout enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour vous en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel sur les brebis et sur les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé seul pour vous en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens ont formé 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé seul pour vous en apporter la nouvelle. » Il parlait encore quand un autre se présenta et dit, « Vos fils et vos filles mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné lorsqu'un vent impétueux s'est levé tout à coup du côté du désert et a ébranlé les 4 coins de la maison qui, s'écroulant, a écrasé vos enfants et ils sont morts. Et je me suis échappé seul pour vous en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva et déchira ses vêtements et s'étant rasé la tête, il se jeta par terre et adora et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et j'y retournerai nu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Il est arrivé ce qui a plu au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, et il ne dit rien d'insensé contre Dieu. Or il arriva que les fils de Dieu étant venus un jour se présenter devant le Seigneur, et Satan étant aussi venu parmi eux se présenter devant le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu ? » Il répondit, « J'ai fait le tour de la terre, et je l'ai parcouru tout entière. » Le Seigneur dit encore à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, qui est un homme simple et droit, qui craint Dieu et fuit le mal ?» et qui maintient encore son innocence ? Cependant, tu m'as porté à agir contre lui pour l'affliger sans motif. » Satan lui répondit, « L'homme donnera peau pour peau et tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Mais étendez votre main et frappez ses os et sa chair, et vous verrez s'il ne vous maudira pas en face. » Le Seigneur dit donc à Satan, « Va, il est en ta main, mais ne touche point à sa vie. » Satan, étant sorti de devant le Seigneur, frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Et Job, assis sur un fumier, ôtait avec un tesson la pourriture de ses ulcères. Alors sa femme lui dit, « Vous demeurez encore dans votre simplicité. Maudissez Dieu et mourrez. » Il lui dit, « Vous parlez comme une femme qui n'a point de sens. Si nous avons reçu les biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en recevrons-nous pas les maux ? Dans toutes ces choses, Job ne pécha point par ses lèvres. » Cependant, trois amis de Job apprirent tous les maux qui lui étaient arrivés, et ils vinrent chacun de leur pays, Éliphaz de Téman, Baldad de Sua, Sophar de Naamath, car ils s'étaient concertés pour venir le voir ensemble et le consoler. Et, ayant levé de loin les yeux, ils ne le reconnurent point. Ils pleurèrent à haute voix, déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre avec lui 7 jours et 7 nuits, et nul ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était extrême. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance, et il parla ainsi. « Périsse le jour où je suis né, et la nuit dans laquelle il a été dit « un homme est conçu ». Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu ne le regarde pas du ciel, qu'il ne soit point éclairé de la lumière. Que les ténèbres et l'ombre de la mort l'obscurcissent, qu'une noire obscurité l'environne, et qu'il soit plongé dans l'amertume. Cette nuit, qu'un tourbillon ténébreux s'en empare, qu'elle ne soit point comptée parmi les jours de l'année, ni mise au nombre des mois. Que cette nuit soit désolée et indigne de louange. Que ceux qui maudissent le jour la maudissent, ceux qui sont prêts à susciter Léviathan. Que les étoiles soient obscurcies par sa noirceur. Qu'elle attende la lumière et qu'elle ne la voie point, non plus que l'aurore lorsqu'elle commence à poindre, parce qu'elle n'a pas fermé le sein qui m'a porté, ni dérobé les souffrances à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré aussitôt que j'en suis sorti? Pourquoi ai-je été reçu sur des genoux, allaité par des mamelles? Car je dormirai maintenant dans le silence, et je me reposerai dans mon sommeil avec les rois et les consuls de la terre qui se baptisent des solitudes, ou avec les princes qui possèdent l'or et qui remplissent d'argent leur maison, ou, comme un avorton caché, je n'existerai plus, ou comme ceux qui, ayant été conçus, n'ont pas vu la lumière. Là, les impies ont cessé leur tumulte, là se reposent ceux qui sont épuisés, sans force, et ceux qui étaient autrefois enchaînés ensemble ne souffrent plus aucun mal, et ils n'entendent plus la voix du maître de corvée. Là sont le grand et le petit, et l'esclave est affranchi de son maître. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée aux misérables, et la vie à ceux qui sont dans l'amertume du cœur, qui attendent la mort et elle ne vient point, qui la cherchent comme s'ils creusaient pour trouver un trésor, et qui sont ravis de joie lorsqu'ils ont trouvé le tombeau? Pourquoi la vie a-t-elle été donnée à l'homme dont la voie est cachée et que Dieu a environné de ténèbres? Avant de manger, je soupire, et mes cris sont comme des eaux qui débordent, car ce qui faisait le sujet de ma crainte m'est arrivé, et ce que je redoutais est tombé sur moi. Ne me suis-je pas tenu dans la réserve? N'ai-je pas gardé le silence, le repos? Et la colère divine est tombée sur moi. » Thank you. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit « Si nous nous mettons à te parler, tu le trouveras peut-être mauvais, mais qui pourrait retenir la parole qu'il a conçue ? Voici, tu en as instruit un grand nombre, et tu as fortifié les mains fatiguées. Tes paroles ont affermi ceux qui chancelaient, et tu les as fortifiés les genoux tremblants. Mais maintenant que le malheur est venu sur toi, tu perds courage. Il t'a touché, et tu es dans le trouble. Où est ta crainte de Dieu, ta force, ta patience et la perfection de tes voies? Rappelle-toi, je te prie, quel innocent a jamais péri, ou quand les hommes droits ont-ils été exterminés? J'ai vu, au contraire, que ceux qui commettent l'iniquité, qui sèment les maux et les moissonnent, sont reversés par le souffle de Dieu et consumés par le vent de sa colère. Le rugissement du lion et la voix de la lionne et les dents des lionceaux ont été broyés. Le tigre a péri, parce qu'il n'avait point de proie, et les petits du lion ont été dispersés. Une parole m'a été dite en secret, et mon oreille a recueilli comme à la dérobée ses faibles sons. Dans l'horreur d'une vision de nuit, lorsqu'un profond sommeil a coutume de s'emparer des hommes, je fus saisi de crainte et d'épouvante, et la frayeur pénétra jusque dans mes os. Un esprit passa devant moi, les poils de ma chair se hérissèrent. Quelqu'un se tint là, dont je ne connaissais pas le visage. Un spectre parut devant mes yeux, et j'entendis une voix semblable à un souffle léger. L'homme sera-t-il trouvé juste en comparaison de Dieu? Et sera-t-il plus pur que son Créateur? Ceux-mêmes qui le servent n'ont pas été stables, et il a trouvé le péché dans ses anges. Combien plus ceux qui habitent des maisons d'argile, qui n'ont qu'un fondement de terre, seront-ils consumés comme par les vers? Du matin au soir, ils seront retranchés, et parce que nul n'a d'intelligence, ils périront à jamais. Ceux qui sont restés de leur race seront emportés, ils mourront, et non dans la sagesse. Appelle donc à ton secours, s'il y a quelqu'un qui te réponde, et adresse-toi à quelqu'un des saints. Certes, la colère fait mourir l'insensé, et l'envie tue les petits esprits. J'ai vu l'insensé aux solides racines, et j'ai maudit aussitôt son éclat. Ses enfants, loin de trouver le salut, seront foulés à la porte, et il n'y aura personne pour les délivrer. L'affamé dévorera sa moisson. L'homme armé l'enlèvera lui-même, et ceux qui séchaient de soif boiront ses richesses. Rien sur la terre ne se fait sans sujet, et ce n'est point de la terre que germe la douleur. L'homme est né pour la peine, comme l'oiseau pour voler. C'est pourquoi je supplierai le Seigneur, et j'adresserai ma parole à Dieu, qui fait des choses grandes et impénétrables, et des merveilles sans nombre, qui répand la pluie sur la face de la terre, et qui arrose d'eau tout l'univers, qui exalte ceux qui sont abaissés, qui relève et guérit les affligés, qui dissipe les pensées des méchants, qui empêche leurs mains d'achever ce qu'elles avaient commencé, qui prend les sages dans leurs propres ruses, et qui renverse les desseins des injustes. Durant le jour, ils trouveront les ténèbres, et comme si c'était la nuit, ils tâtonneront en plein midi. Mais Dieu sauvera le pauvre du glaive de leur langue, il le sauvera de la main du violent. Et il y aura de l'espérance pour le pauvre, et l'iniquité fermera sa bouche. Heureux l'homme qui est châtié par Dieu. Ne rejette donc point la correction du Seigneur, car c'est lui qui blesse et qui donne le remède. Il frappe et ses mains guérissent. Il te délivrera dans 6 tribulations, et à la 7e le mal ne te touchera pas. Pendant la famine, il te sauvera de la mort, et dans la guerre, du tranchant du glaive. Il te mettra à couvert du fléau de la langue, et si l'affliction survient, tu ne la craindras pas. Tu riras des ravages et de la disette, et tu ne redouteras pas les bêtes de la terre. Mais tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes sauvages seront pacifiques pour toi. Tu verras la paix régner dans ta tente, et contemplant Ta prospérité, tu la trouveras au complet. Tu verras aussi ta race se multiplier et ta postérité croître comme l'herbe de la terre. Tu entreras dans le sépulcre comblé de biens, comme un monceau de blé qu'on emporte en son temps. Voilà le résultat de nos recherches, il en est ainsi. Écoute-le et repasse-le dans ton esprit. Job répondit en ces termes : Plût à Dieu que les péchés par lesquels j'ai mérité la colère de Dieu et les maux que je souffre fussent pesés dans une balance. Ceci apparaîtrait plus lourd que le sable de la mer. C'est pourquoi mes paroles sont pleines de douleur, car les flèches du Seigneur m'ont percé. La douleur qu'elles me causent épuise mon esprit, et les terreurs de Dieu m'assiègent. L'âne sauvage crie-t-il lorsqu'il a de l'herbe, ou le bœuf mugit-il lorsqu'il est devant une auge pleine? Peut-on manger d'un mets fade qui n'est point assaisonné avec le sel? Ou quelqu'un peut-il goûter ce qui fait mourir celui qui en goûte? Ce qu'auparavant je n'eusse pas voulu toucher, c'est là maintenant ma nourriture à cause de mon angoisse. Qui m'accordera que ma prière soit reçue et que Dieu me donne ce que j'attends? Que celui qui a commencé achève de me briser, qu'il laisse aller sa main et qu'il tranche ma vie? Qu'il me reste au moins cette consolation dans ces douleurs dont il m'afflige sans m'épargner, que je ne contredise en rien les ordres du Dieu saint. Car quelle est ma force pour que je supporte ces maux? Ou quelle est ma fin pour que je conserve la patience? Ma force n'est point la force des pierres, et ma chair n'est pas de bronze. Voici que je ne trouve en moi aucun secours, et mes amis intimes m'ont abandonné. Celui qui n'a pas compassion de son ami a perdu la crainte du Seigneur. Mes frères ont passé devant moi comme un torrent qui s'écoule avec rapidité dans les vallées. Ceux qui craignent la gelée seront accablés par la neige. Au temps où ils commenceront à s'écouler, ils périront. Dès que la chaleur viendra, ils disparaîtront de leur lieu. Ils vont par des sentiers embarrassés, ils marchent sur le vide et ils périront. Considérez les sentiers de Théma, les chemins de Saba, et attendez un peu. Ils sont confus parce que j'ai espéré. Ils sont venus aussi jusqu'à moi et ils ont été couverts de honte. Vous ne faites que venir et aussitôt que vous voyez ma plaie, vous en avez horreur. Ai-je dit « Apportez-moi quelque chose » ou « Donnez-moi de votre bien » ou « Délivrez-moi de la main de l'ennemi et arrachez-moi de la main des forts » Enseignez-moi et je me tairai. Et si j'ai ignoré quelque chose, instruisez-moi. Pourquoi attaquez-vous des paroles de vérité, puisque nul d'entre vous ne peut m'accuser? Vous n'étudiez dans vos discours qu'à jeter du blâme, et vous ne faites que parler en l'air. Vous vous précipitez sur un orphelin, et vous vous efforcez d'accabler votre ami. Mais achevez ce que vous avez commencé, prêtez l'oreille, et voyez si je mens. Répondez, je vous prie, sans contention, et en parlant, jugez des choses selon la justice. Alors, vous ne trouverez point d'iniquité sur ma langue, et la folie ne retentira point dans ma bouche. La vie de l'homme sur la terre est celle du soldat, et ses jours sont comme les jours d'un mercenaire. Comme un esclave soupire après l'ombre, et comme un mercenaire attend la fin de son travail, ainsi je n'ai eu que des mois vides, et je ne compte que des nuits douloureuses. Si je m'endors, je dis « Quand me lèverai-je ? » Et j'attends de nouveau le soir, et je suis rempli de douleur jusqu'à la nuit. Ma chair est couverte de pourriture et d'une sale poussière. Ma peau est toute sèche et retirée. Mes jours ont passé plus vite que la toile n'est coupée par le tisserand, et ils se sont consumés sans aucune espérance. Souvenez-vous que ma vie n'est qu'un souffle et que mes yeux ne verront plus le bonheur. Le regard de l'homme ne m'apercevra plus. Vos yeux sont sur moi et je ne pourrai subsister. Comme une nuée se dissipe et passe, ainsi celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu où il était ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma langue, je parlerai dans l'affliction de mon esprit, je m'entretiendrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mère ou un monstre marin pour que vous m'ayez renfermé dans une prison? Si je dis « mon lit me consolera » et en m'entretenant avec moi-même, je me reposerai sur ma couche, vous me tourmentez par des songes et vous me troublez par d'horribles visions. C'est pourquoi mon âme préfère une mort violente et mes os appellent le trépas. J'ai perdu tout espoir. La vie m'échappe à jamais. Épargnez-moi, car mes jours ne sont que néant. Qu'est-ce que l'homme pour que vous en fassiez tant de cas? Et comment daignez-vous appliquer sur lui votre cœur? Vous le visitez le matin et aussitôt vous l'éprouvez. Jusque à quand ne m'épargnerez-vous pas et ne me laisserez-vous pas même avaler ma salive? J'ai péché. Que vous ferai-je, ô gardien des hommes? Pourquoi m'avez-vous mis en butte à vos coups et m'avez-vous rendu insupportable à moi-même? Pourquoi n'enlevez-vous pas mon péché et ne me pardonnez-vous pas mon iniquité? Je vais bientôt dormir dans la poussière, et quand vous me chercherez le matin, je ne serai plus. Alors Baldad, le suite, prit la parole et dit: jusque à quand tiendras-tu ce langage, et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu refuse-t-il la justice, et le Tout-Puissant renverse-t-il l'équité? Quand tes enfants auraient péché contre lui, et qu'il les aurait abandonnés au pouvoir de leur iniquité, si néanmoins tu t'empresses d'aller à Dieu, et si tu implores le Tout-Puissant, si tu marches pur et droit, il sera prompt à te secourir, et il rendra la paix à ton habitation innocente, de sorte que si tes biens étaient autrefois médiocres, ils se multiplieront désormais étonnamment. Interroge la génération passée et consulte avec soin les histoires de nos pères, car nous ne sommes que d'hier et nous ne savons rien parce que nos jours s'écoulent sur la terre comme l'ombre. Et ils t'instruiront, ils te parleront et ils puiseront ces leçons dans leur cœur. Le jonc peut-il verdir sans humidité ou le roseau peut-il croître sans eau? Encore en fleurs, et sans qu'on le cueille, il sèche avant toutes les herbes. Telle est la voix de tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'hypocrite périra. Il condamnera lui-même sa folie, et sa confiance sera comme une toile d'araignée. Il s'appuiera sur sa maison, et elle ne tiendra pas. Il l'étaillera, et elle ne subsistera point. C'est une plante qui paraît verte avant que le soleil se lève, et qui pousse sa tige aussitôt qu'il est levé. Ses racines se multiplie sur un monceau de pierres et elle s'établit parmi les cailloux. Si on l'arrache de sa place, ce lieu la reniera et dira « Je ne te connais pas ». Car telle est toute la joie de sa voix que d'autres germent de terre à sa place. Dieu ne rejettera pas le simple et il ne tendra pas la main au méchant jusqu'à ce que le rire remplisse ta bouche et que la jubilation soit sur tes lèvres. Ceux qui te haïssent seront couverts de confusion et la tente des impies ne subsistera plus. Job prit la parole et dit « Assurément, je sais qu'il en est ainsi, et que l'homme, si on le compare à Dieu, ne sera pas trouvé juste. S'il veut disputer avec lui, il ne pourra pas lui répondre sur une chose entre mille. Dieu est sage, il est tout-puissant. Qui lui a résisté et est demeuré en paix? Il transporte les montagnes, et ceux qu'il renverse dans sa fureur ne s'en aperçoivent pas. Il remue la terre de sa place, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne se lève point, et il tient les étoiles enfermées comme sous le sceau. Il étend seul les cieux, et il marche sur les flots de la mer. Il a créé la grande ours, Orion, les Hyades et les constellations australes. Il fait des merveilles incompréhensibles et des prodiges sans nombre. S'il vient à moi, je ne le verrai pas, et s'il s'en va, je ne m'en apercevrai pas. S'il interroge tout à coup, qui lui répondra? Ou qui pourra lui dire « Pourquoi faites-vous ainsi ?» Dieu, personne ne peut résister à sa colère, et ceux même qui portent le monde fléchissent sous lui. Qui suis-je donc, moi, pour lui répondre et pour avoir un entretien avec lui? Quand même j'aurai quelque justice, je ne répondrai pas, mais j'implorerai mon juge. Et lors même qu'il aurait exaucé ma prière, je ne croirai pas qu'il eût daigné écouter ma voix. Car il me brisera dans un tourbillon, et il multipliera mes blessures, même sans raison. Il ne me laisse pas respirer, et il me remplit d'amertume. Si l'on fait appel à la force, il est tout-puissant. À la justice du jugement, personne n'osera rendre témoignage en ma faveur. Si j'entreprends de me justifier, ma propre bouche me condamnera. Si je démontre mon innocence, il me convaincra d'être coupable. Quand je serai juste, cela même me serait caché, et ma vie me serait à charge à moi-même. Tout ce que j'ai dit se ramène à ceci. Dieu détruit le juste aussi bien que l'impie. S'il frappe, qu'il tue tout d'un coup, et qu'il ne se rit pas des peines des innocents. La terre est livrée aux mains de l'impie. Dieu couvre d'un voile la face des juges. Si ce n'est lui, qui est-ce donc? Mes jours ont passé plus vite qu'un courrier. Ils ont fui sans avoir vu le bonheur. Ils ont passé comme des vaisseaux qui portent des fruits, comme un aigle qui fond sur sa proie. Quand je dis « je ne parlerai plus ainsi », mon visage se change aussitôt et la douleur me déchire. Je tremblais à chacune de mes œuvres, sachant que vous ne pardonnez pas aux coupables. Que si, après cela, je passe pour impie, pourquoi aurais-je travaillé en vain? Quand je me laverai dans l'eau de neige et que la pureté de mes mains éclaterait, vous me plongeriez dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Car ce n'est point à un homme semblable à moi que j'aurai à répondre, ni à quelqu'un qui puisse, d'égal à égal, plaider avec moi. Il n'y a personne qui puisse reprendre les deux parties et mettre sa main sur l'un et l'autre. Qu'il retire sa verge de dessus de moi, et que sa terreur ne m'épouvante pas. Alors, je parlerai sans le craindre, car dans la crainte où je suis, je ne puis répondre. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je m'abandonnerai aux plaintes contre moi-même. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dirai à Dieu, ne me condamnez pas. Indiquez-moi pourquoi vous me traitez ainsi. Vous paraîtrait-il bon de me calomnier et de m'accabler, moi, l'œuvre de vos mains? Favoriserez-vous les desseins des impies? Avez-vous des yeux de chair et regardez-vous les choses comme l'homme les regarde? Vos jours sont-ils comme les jours de l'homme, et vos années comme ses années, pour que vous recherchiez mes iniquités, et que vous scrutiez mon péché, quand vous savez que je n'ai rien fait d'impie, et que personne ne peut me délivrer de votre main? Vos mains m'ont formé, elles ont façonné toutes les parties de mon corps, et vous voudriez me perdre en un instant? Souvenez-vous, je vous prie, que vous m'avez façonné comme de l'argile, et que vous me réduirez en poussière. Ne m'avez-vous pas fait couler comme le lait et coaguler comme un laitage pressé? Vous m'avez revêtu de peau et de chair, vous m'avez affermi d'eau et de nerfs. Vous m'avez donné la vie et comblé de bienfaits, et c'est votre providence qui a gardé mon âme. Quoique vous cachiez ces choses dans votre cœur, je sais néanmoins que vous vous souvenez de tout. Si j'ai péché, et si vous m'avez épargné pour un instant, pourquoi ne permettez-vous pas que je sois purifié de mon iniquité? Si j'ai été impie, malheur à moi, et si je suis juste, je n'ose lever la tête, abreuvé d'affliction et de misère. À cause de mon orgueil, vous me saisirez comme une lionne, et de nouveau vous me tourmenterez étrangement. Vous produisez encore contre moi vos témoins, vous multipliez sur moi les effets de votre colère, et les maux m'assiègent comme une armée. Pourquoi m'avez-vous tiré du sein de ma mère? Que n'ai-je péri sans qu'un œil pût me voir? J'aurais été comme si je n'avais point existé, n'ayant fait que passer du sein de ma mère au tombeau. Les quelques jours qui me restent ne finiront-ils pas bientôt? Laissez-moi donc pleurer un instant ma douleur, avant que je m'en aille sans retour dans cette région ténébreuse et couverte de l'obscurité de la mort, région de misère et de ténèbres où habite l'ombre de la mort, où il n'y a pas d'ordre, mais une éternelle horreur. Sophar de Naama prit la parole et dit « Celui qui parle tant n'écoutera-t-il pas à son tour? Et suffira-t-il d'être un grand parleur pour paraître juste? Les hommes se tairont-ils pour toi seul? Et après t'être moqué des autres, ne seras-tu confondu par personne? Car tu as dit « Ma doctrine est pure et je suis sans tache en votre présence. » Qu'il serait à souhaiter que Dieu te parlât et qu'il ouvrît pour toi sa bouche, pour te découvrir les secrets de sa sagesse et la multiplicité des préceptes de sa loi, et pour te faire comprendre qu'il exige beaucoup moins de toi que ne mérite ton iniquité. Prétends-tu sonder ce qui est caché en Dieu et connaître parfaitement le Tout-Puissant? Il est plus élevé que le ciel, que feras-tu? Il est plus profond que l'enfer, comment le connaîtras-tu? Sa mesure dépasse la longueur de la terre et la largeur de la mer. S'il renverse tout, s'il confond toutes choses ensemble, qui pourra s'opposer à lui? Car il connaît la vanité des hommes, et voyant l'iniquité, ne la considère-t-il pas? L'homme vain s'élève jusqu'à l'orgueil, et il se croit né libre comme le poulain de l'âne sauvage. Mais toi, tu as endurci ton cœur, et tu as élevé tes mains vers Dieu. Si tu bannis l'iniquité qui est dans tes mains et que l'injustice ne demeure point dans ta tente, alors tu pourras lever ton visage sans tache, tu seras stable et tu ne craindras point. Tu oublieras même ta misère et tu t'en souviendras comme d'eau qui se sont écoulées. Sur le soir se lèvera pour toi comme l'éclat du midi, et lorsque tu te croiras perdu, tu apparaîtras comme l'étoile du matin. L'espérance qui te sera proposée te remplira de confiance, et entrant dans le sépulcre, tu dormiras en assurance. Tu te reposeras sans que personne ne te trouble, et plusieurs imploreront tes regards. Mais les yeux des méchants seront consumés, pour eux, point de refuge, et ce que l'âme a en horreur, voilà leur espérance. » Job prit la parole et dit « Êtes-vous donc les seuls hommes, et la sagesse mourra-t-elle avec vous? J'ai du sens aussi bien que vous, et je ne vous suis pas inférieur, car qui donc ignore ce que vous savez? Celui qui est comme moi, l'objet des railleries de son ami, invoquera Dieu, et Dieu l'exaucera, car on se moque de la simplicité du juste. C'est une lampe méprisée dans les pensées des riches, mais qui est prête pour le temps marqué. » Les tentes des brigands sont dans l'abondance, et ils provoquent Dieu audacieusement, quoiqu'il ait tout mis entre leurs mains. Interroge les animaux, et ils t'enseigneront. Les oiseaux du ciel, et ils t'instruiront. Parle à la terre, et elle te répondra, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ignore que c'est la main de Dieu qui a fait toutes ces choses? Lui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, et le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne juge-t-elle pas des paroles? Et le palais ne savoure-t-il pas les mets? Dans les vieillards se trouve la sagesse et la prudence dans une longue vie. En Dieu réside la sagesse et la puissance. C'est lui qui possède le conseil et l'intelligence. S'il détruit, nul ne pourra bâtir. S'il tient un homme enfermé, nul ne pourra lui ouvrir. S'il retient les eaux, tout se desséchera, et s'il les lâche, elles dévasteront la terre. En lui résident la force et la sagesse. Il connaît, et celui qui trompe, et celui qui est trompé. Il amène les conseillers à une fin insensée, et les juge à l'étourdissement. Il délie le baudrier des rois, et il ceint leurs reins d'une corde. Il emmène les pontifes sans gloire, et il fait tomber les nobles. Il change le langage des véridiques, et il retire la science aux vieillards. Il répand le mépris sur les princes. Il relève ceux qui avaient été opprimés. Il découvre ce qui était caché dans les ténèbres. Il produit au jour l'ombre de la mort. Il multiplie les nations et les perd, et il les rétablit entièrement après leur ruine. Il change le cœur des princes, du peuple, de la terre, et il les trompe pour qu'ils s'avancent vainement en des déserts sans voix. Ils tâtonneront comme dans les ténèbres, loin de la lumière, et il les fera errer comme des gens ivres. Voici, mon œil a vu toutes ces choses, mon oreille les a entendues, et je les ai toutes comprises. Ce que vous savez ne m'est point inconnu, et je ne vous suis pas inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, et je désire discuter avec Dieu, en montrant d'abord que vous êtes des fabricants de mensonges et les défenseurs d'une doctrine corrompue. Que ne gardez-vous le silence afin de passer pour des sages? Écoutez donc ma réprimande. Soyez attentifs à la sentence de mes lèvres. Dieu a-t-il besoin de votre mensonge ou que vous disiez des faussetés pour le défendre? Voulez-vous avoir égard à sa personne et faites-vous des efforts pour le justifier? Cela peut-il lui plaire, lui à qui rien n'est caché? Ou se laissera-t-il tromper comme un homme par vos artifices? Lui-même, il vous condamnera à cause de votre perversité secrète en sa faveur. Aussitôt qu'il s'ébranlera, il vous troublera, et sa terreur fondra sur vous. Votre mémoire sera semblable à la cendre, et vos têtes superbes deviendront comme de la boue. Taisez-vous un peu, afin que je dise tout ce que mon esprit me suggérera. Pourquoi déchirais-je mes chairs avec mes dents, et pourquoi portais-je mon âme entre mes mains? Quand même Dieu me tuerait, j'espérerai en lui. Néanmoins, je défendrai mes voies en sa présence, et il sera lui-même mon sauveur. Car l'hypocrite n'osera paraître devant lui. Écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à mes sentences. Si j'étais jugé, je sais que je serais reconnu innocent. Est-il quelqu'un qui veuille plaider contre moi? Qu'il vienne, car pourquoi me laissais-je consumer sans avoir parlé pour ma défense? Je vous demande seulement deux choses, et ensuite je ne me cacherai pas de devant votre face. Éloignez-moi de votre main, et que votre épouvante ne m'effraie pas. Appelez-moi, et je vous répondrai. Ou bien, je parlerai, et vous répondez-moi. Combien ai-je commis d'iniquités et de péchés? Montrez-moi mes crimes et mes offenses. Pourquoi me cachez-vous votre visage, et pourquoi me croyez-vous votre ennemi? Vous faites éclater votre puissance contre une feuille que le vent emporte, et vous poursuivez une paille sèche. Car vous écrivez contre moi des arrêts très sévères, et vous voulez me consumer pour les péchés de ma jeunesse. Vous avez mis mes pieds dans les ceps, vous avez observé tous mes sentiers, et vous avez considéré les traces de mes pas. Et moi, je dois me consumer comme la pourriture et comme un vêtement rongé par les vers. L'homme né de la femme vit peu de temps, et il est rempli de beaucoup de misère. Comme une fleur,

Il sait que le jour des ténèbres est prêt à ses côtés. L'adversité, l'épouvante et l'angoisse l'assiègent comme un roi qui se prépare au combat. Car il a étendu sa main contre Dieu et il s'est raidi contre le Tout-Puissant. Il a couru contre Dieu le cou tendu. Il s'est armé d'un orgueil inflexible. L'embonpoint a couvert tout son visage et la graisse pend à ses flancs. Il a mis sa demeure dans des villes désolées, dans des maisons désertes qui ne sont plus que des monceaux de pierre. Il ne s'enrichira pas, son opulence ne durera point, et il ne poussera point de racines sur la terre. Il ne sortira pas des ténèbres, la flamme desséchera ses rameaux, le souffle de sa bouche l'emportera. Il ne croira pas, trompé par une vaine erreur, qu'il puisse être racheté à aucun prix. Il périra avant que ses jours soient accomplis et ses mains se dessécheront. Sa grappe sera frappée comme celle de la vigne à peine fleurie et comme l'olivier qui laisse tomber sa fleur. Car la famille de l'hypocrite sera inféconde et le feu dévorera les maisons de ceux qui aiment à recevoir des présents. Il conçoit la douleur et il enfante l'iniquité et son sein prépare la déception. Job prit la parole et dit « J'ai entendu souvent de pareils discours. Vous êtes tous des consolateurs importuns. Ces discours en l'air finiront-ils? Et qu'y a-t-il de plus aisé que de parler ainsi? Moi aussi je pourrais en dire autant que vous, et que ne suis-je à votre place? Je vous consolerai aussi par mes paroles, et je branlerai la tête à votre sujet. Je vous fortifierai par mon langage, et je remuerai mes lèvres comme par compassion pour vous. Mais que ferai-je? Si je parle, ma douleur ne s'apaisera point, et si je me tais, elle ne me quittera pas. Mais maintenant ma douleur m'accable, et tous mes membres sont réduits à rien. Mes rides rendent témoignage contre moi, et il s'élève devant ma face un menteur qui m'accuse. Il a ramassé contre moi sa fureur, il a grincé des dents en me menaçant. Mon ennemi m'a envisagé avec un regard terrible. » Ils ont ouvert leur bouche contre moi, et me couvrant d'opprobre, ils ont frappé ma joue et se sont rassasiés de mes peines. Dieu m'a mis à la merci du méchant. Il m'a livré entre les mains des impies. Moi qui étais autrefois si puissant, j'ai été brisé tout à coup. Il m'a pris par la nuque, il m'a broyé, et il m'a mis comme en butte à ses traits. Il m'a environné de ses lances, il m'en a percé les reins, il m'a point épargné, et il a répandu mes entrailles à terre. Il m'a fait blessure sur blessure, il a fondu sur moi comme un géant. J'ai cousu un cilice sur ma peau, et j'ai couvert ma chair de cendres. Mon visage s'est gonflé, à force de pleurer, et mes paupières se sont obscurcies. J'ai souffert cela sans que l'iniquité fût dans ma main, lorsque j'offrais à Dieu de pures prières. Terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris ne soient nulle part étouffés dans ton sein. Car voici que mon témoin est dans le ciel, et celui qui me connaît à fond habite les hauts lieux. Mes amis se répandent en paroles, mes yeux fondent en larmes devant Dieu. Que je voudrais que l'homme puisse se justifier devant Dieu, comme il peut se justifier devant un de ses semblables. Car mes années s'écoulent rapides, et je parcours une voie par laquelle je ne reviendrai jamais. Mon souffle va s'épuiser, mes jours vont être abrégés et il ne me reste plus que le tombeau. Je n'ai point péché et cependant mon œil ne contemple qu'amertume. Délivrez-moi, Seigneur, et placez-moi auprès de vous et que la main de qui que ce soit s'arme contre moi. Vous avez éloigné leur cœur de l'intelligence, c'est pourquoi ils ne seront point exaltés. Il promet du butin à ses compagnons, mais les yeux de ses fils tomberont en défaillance. Il m'a rendu comme la fable du peuple, et je suis à leurs yeux un exemple. L'indignation m'obscurcit les yeux, et mes membres sont comme réduits à rien. Les justes seront dans la stupeur à ce sujet, et l'innocent s'élèvera contre l'hypocrite. Et le juste demeurera dans sa voie, et celui qui a les mains pures en deviendra plus fort. Vous tous, retournez-vous donc et venez, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Mes jours se sont écoulés, mes pensées ont été renversées, et ne servent qu'à me torturer le cœur. Ils ont changé la nuit en jour, et après les ténèbres, j'espère encore voir la lumière. Quand même j'attendrai, le séjour des morts est ma maison, et je me suis préparé mon lit dans les ténèbres. J'ai dit à la pourriture, « Tu es mon père », et au ver, « Vous êtes ma mère et ma sœur ». Où est donc maintenant mon attente, et ma patience, qui la considère? Tout ce que j'ai descendra dans le plus profond du tombeau. Croyez-vous qu'au moins là, je puisse avoir du repos? Baldad le suite prit la parole et dit « Jusque à quand vous répandrez-vous en parole? Comprenez d'abord et ensuite nous parlerons. Pourquoi passons-nous pour des brutes et pourquoi sommes-nous immondes à vos yeux? Toi qui perds ton âme dans ta fureur, la terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi et les rochers transportés de leur place? La lumière de l'impie ne s'éteindra-t-elle pas et la flamme de son foyer ne sera-t-elle pas sans éclat? La lumière sera obscurcie dans sa tente et la lampe qui brille au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas robustes seront entravés, et ses conseils le jetteront dans le précipice, car il a engagé ses pieds dans les raies, et il marche au milieu de leurs mailles. Son pied sera pris dans le filet, et la soif le brûlera par ses ardeurs. Le piège est caché pour lui sous la terre, et les lacs sur le sentier. Les terreurs l'assiégeront de toutes parts et envelopperont ses pieds. La faim exténuera sa force et la disette envahira ses flancs. La mort, la plus terrible, dévorera sa beauté et elle consumera ses bras. Ce en quoi il mettait sa confiance sera attaché de sa tente et la mort, comme un roi, le foulera aux pieds. Les compagnons de celui qui n'est plus habiteront dans sa tente et on répandra du soufre dans sa demeure. En bas, ses racines se dessécheront. En haut, ses branches seront brisées. Sa mémoire périra de dessus la terre et son nom ne sera plus célébré dans les places publiques. On le chassera de la lumière dans les ténèbres et il sera transporté hors de ce monde. Il n'aura point de postérité, point de descendants parmi son peuple et il n'en restera rien dans le pays. Ceux qui viendront après lui seront étonnés de sa perte et ceux de son temps en seront saisis d'horreur. Telles seront les tentes du méchant et telle la place de celui qui ignore Dieu. Alors Job prit la parole et dit « Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous par vos discours? Voilà déjà 10 fois que vous m'insultez et que vous ne rougissez point de m'accabler. Quand je serai dans l'ignorance, mon ignorance ne regarde que moi. Mais vous vous élevez contre moi et vous tirez de mes humiliations une preuve contre moi. Comprenez au moins maintenant que ce n'est point par un jugement de justice que Dieu m'a affligé et m'a entouré de ses fléaux. Voici... Je crie, souffrant violence et personne ne m'écoute. J'élève la voix et on ne me rend pas justice. Il a fermé de toutes parts mon sentier et je ne puis plus passer. Et il a répandu des ténèbres sur mon chemin. Il m'a dépouillé de ma gloire et il m'a ôté la couronne de la tête. Il m'a détruit de tous côtés et je péris. Et comme à un arbre arraché, il m'a ôté toute espérance. Sa fureur

et délaissé dans sa tente, il sera livré à l'affliction. Les cieux révéleront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les enfants de sa maison seront exposés à la violence, ils seront retranchés au jour de la fureur de Dieu. Tel est le partage que Dieu réserve à l'impie et l'héritage qu'il recevra du Seigneur pour ses paroles. Job prit la parole et dit « Écoutez, je vous prie, mes paroles, et changez de sentiment. Souffrez que je parle, et ensuite riez si cela vous plaît de mes discours. Est-ce avec un homme que je dispute? N'est-ce pas à bon droit que je m'attriste? Jetez les yeux sur moi, et soyez frappés d'étonnement, et mettez le doigt sur votre bouche. Et moi, quand je m'en souviens, j'en suis épouvanté, et j'en tremble de tout mon corps. Pourquoi donc les impies vivent-ils? Pourquoi sont-ils si élevés et rendus puissants par les richesses? Leur race se perpétue devant eux, la foule de leurs proches et de leurs petits-enfants est en leur présence. Leurs maisons jouissent d'une profonde paix, et la verge de Dieu ne les touche point. Leur vache conçoit et conserve son fruit, leur génisse m'ébat et n'avorte point. Leurs enfants sortent comme des troupeaux, leurs nouveau-nés bondissent en se jouant. Ils tiennent le tambourin et la harpe, et ils se réjouissent au son de la flûte de Pan. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et soudain, ils descendent dans le tombeau. Ils ont dit à Dieu, « Retirez-vous de nous, nous ne voulons point connaître vos voies. Qu'est le Tout-Puissant pour que nous le servions, et quel intérêt avons-nous à le prier? Mais puisque leurs biens ne sont pas en leur pouvoir, loin de moi le conseil des impies. Combien de fois voit-on s'éteindre la lumière des impies et un déluge de maux leur survenir et Dieu leur partager les douleurs dans sa colère. Ils sont comme la paille en face du vent et comme la poussière que disperse un tourbillon. Dieu réserve à leur fils la peine du père. Dieu le frappera lui-même et alors il comprendra. Il verra de ses yeux sa propre ruine et il boira de la fureur du Tout-Puissant. Car que lui importe ce que deviendra sa maison après lui, quand même Dieu lui retrancherait la moitié de ses années. Qui entreprendra d'enseigner la science à Dieu, lui qui juge les grands? L'un meurt robuste et sain, riche et heureux. Ses entrailles sont chargées de graisse et ses os arrosées de moelle. L'autre meurt dans l'amertume de son âme, sans aucun bien. Et néanmoins, ils dorment tous deux dans la poussière et les vers les recouvrent tous deux. « Je connais bien vos pensées et vos jugements injustes contre moi, car vous dites, où est la maison du prince et où sont les tentes des impies? Interrogez quelqu'un des voyageurs et vous verrez qu'il connaît cette même vérité, que le méchant est réservé pour le jour de la ruine et qu'il sera conduit au jour de la fureur. Qui le reprendra en sa présence de ses voies et qui lui rendra ce qu'il a fait? Il sera porté lui-même au tombeau, et il veillera parmi la foule des morts. Sa présence a été agréable au sable du Cocyte. Il y entraînera tous les hommes après lui, et une foule innombrable l'a précédé. Pourquoi donc me donnez-vous une vaine consolation, puisque j'ai montré que votre réponse est contraire à la vérité ? Éliphaz de Téman prit la parole et dit « L'homme peut-il être comparé à Dieu, quand même il aurait une science consommée? Que sert à Dieu que tu sois juste, ou que lui procures-tu si ta conduite est sans tâche? Est-ce par crainte qu'il t'accusera et qu'il entrera en jugement avec toi? Et n'est-ce pas à cause de ta malice multiple et de tes iniquités infinies? Tu as pris sans raison des gages à tes frères, et tu as dépouillé de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu n'as pas donné d'eau à celui qui était fatigué, et tu refusais du pain à l'homme affamé. Tu possédais le pays par la violence de ton bras, et tu t'y établissais par le droit du plus fort. Tu renvoyais les veuves les mains vides, tu brisais les bras des orphelins. C'est pour cela que tu es environné de pièges et troublé par une crainte subite. Es-tu pensé que tu ne verrais pas les ténèbres et que tu ne serais point accablé par le choc des eaux débordées? Ne considères-tu pas que Dieu est plus élevé que le ciel, qu'il est bien au-dessus des astres? Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Il juge comme à travers l'obscurité. Les nuées sont sa retraite, il ne s'inquiète point de nos affaires et il se promène dans le ciel d'un pôle à l'autre. Désires-tu suivre l'antique route des siècles, foulée de ces hommes impies qui ont été emportés avant leur temps et dont le déluge a renversé le fondement, qui disaient à Dieu « Retirez-vous de nous » et qui s'imaginaient que le Tout-Puissant ne pouvait rien, quoique ce fût lui qui avait rempli leur maison de biens. Mais loin de moi leurs pensées impies, les justes les verront périr et s'en réjouiront, et l'innocent les insultera. Ceux qu'ils avaient élevés n'a-t-il pas été détruit, et le feu n'a-t-il pas dévoré leurs restes? Soumets-toi donc à Dieu, et demeure en paix, et par là tu obtiendras d'excellents fruits. Reçois la loi de sa bouche, et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli de nouveau, et tu banniras l'iniquité de la tente. Il te donnera, au lieu de la terre, le rocher, et au lieu de la pierre, des torrents d'or. Le Tout-Puissant se déclarera contre tes ennemis, et tu auras des monceaux d'argent. Alors, tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant, et tu élèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Tu formeras des desseins, et ils réussiront, et la lumière brillera sur tes voies. Car celui qui aura été humilié sera dans la gloire, et celui qui aura baissé les yeux sera sauvé. L'innocent sera délivré, et il le sera par la pureté de ses mains. Or Job répondit en ces termes. « Maintenant encore ma parole est pleine d'amertume, et la violence de ma plaie est bien au-dessus de mes gémissements. Qui me donnera de le connaître et de le trouver, et de parvenir jusqu'à son trône? J'exposerai ma cause devant lui, et je remplirai ma bouche de preuves pour savoir ce qu'il me répondrait et pour entendre ce qu'il pourrait me dire. Je ne voudrais point qu'il me combattît de toute sa force, ni qu'il m'accablât par le poids de sa grandeur. Qu'il propose contre moi l'équité, et ma cause obtiendra la victoire. Mais si je vais à l'Orient, il ne paraît point. Si je vais à l'Occident, je ne l'aperçois pas. Si je me tourne à gauche, que faire? Je ne puis l'atteindre. Si je vais à droite, je ne le verrai point. Mais il connaît lui-même ma voie, et il m'éprouve comme l'or qui passe par le feu. Mon pied a suivi ses traces, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je ne me suis pas écarté des commandements de ses lèvres, et j'ai caché dans mon sein les paroles de sa bouche, car il subsiste lui seul. Nul ne peut empêcher ses desseins, et il fait absolument tout ce qui lui plaît. Quand il aura accompli sur moi sa volonté, il lui reste encore beaucoup d'autres moyens semblables. C'est pourquoi je me trouble en sa présence, et lorsque je le considère, je suis agité de crainte. Dieu a amolli mon cœur, et le Tout-Puissant m'a épouvanté, car je ne péris point à cause des ténèbres qui m'environnent, et ce n'est pas l'obscurité qui a voilé ma face. » Les temps ne sont point cachés au Tout-Puissant, mais ceux qui le connaissent ignorent ses jours. Il en est qui déplacent les limites, qui ravissent les troupeaux et les mènent dans leur pâturage. Ils saisissent l'âne des orphelins et ils emmènent pour gage le bœuf de la veuve. Ils renversent la voie des pauvres et ils oppriment tous ceux qui sont doux sur la terre. D'autres, comme les onagres du désert, sortent pour leur ouvrage. Ils cherchent leur proie dès le matin pour donner de quoi vivre à leurs enfants. Ils moissonnent le champ, qui n'est point à eux, et ils vendangent la vigne de celui qu'ils ont opprimé par violence. Ils renvoient les hommes nus, et ils enlèvent les vêtements de ceux qui n'ont pas de quoi se couvrir pendant le froid, qui sont mouillés par les pluies des montagnes, et qui, n'ayant pas de manteau, se pressent contre les rochers. Ils dépouillent de force les orphelins, et ils pillent le pauvre peuple. Ils arrachent les épis des mains à ceux qui sont nus, sans vêtements et affamés. Ils se reposent à midi parmi les gerbes de ceux qui, après avoir foulé les pressoirs, sont dans la soif. Ils font gémir les hommes dans les villes, les âmes blessées poussent des cris, et Dieu ne laissera pas ses crimes impunis. Ils ont été rebelles à la lumière, ils n'ont pas connu ses voies, et ils ne sont pas revenus par ses sentiers. Le meurtrier se lève de grand matin, il tue le faible et le pauvre, et il rôde la nuit comme un larron. L'œil de l'adultère épie l'obscurité. Il dit « Personne ne me verra » et il se couvre le visage. Il perce les maisons dans les ténèbres, à l'heure qu'il s'était donné pendant le jour, et ils n'ont point connu la lumière. Si l'aurore paraît tout à coup, il croit que c'est l'ombre de la mort, et il marche dans les ténèbres comme dans le jour. Il est léger à la surface de l'eau, que sa portion soit maudite sur la terre, et qu'il ne marche point par le chemin des vignes. Qu'il passe des eaux de la neige à une chaleur excessive, et que son péché pénètre jusqu'aux enfers. Que la miséricorde l'oublie, que les vers soient ses délices. Qu'on ne se souvienne point de lui, mais qu'il soit arraché comme un arbre sans fruit. Car il a dévoré la femme stérile qui n'enfante pas, et il n'a pas fait de bien à la veuve. Il a fait tomber l'effort par sa puissance, et lorsqu'il sera debout, il ne sera pas sûr de sa vie. Dieu lui a donné du temps pour faire pénitence, et il en abuse pour l'orgueil. Mais les yeux de Dieu sont sur ses voies. Ils se sont élevés pour un moment, et ils ne subsisteront pas. Ils seront humiliés comme toute chose. Ils seront emportés et retranchés comme le haut des épis. Que si cela n'est ainsi, qui pourra me convaincre de mensonge et porter mes paroles devant Dieu ? Balda de Le Suite parla ensuite en ces termes. « La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses hauts lieux. Peut-on compter le nombre de ses soldats et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle point? L'homme, comparé à Dieu, peut-il être justifié? Et celui qui est né de la femme paraîtra-t-il pur? La lune même ne brille point et les étoiles ne sont pas pures devant ses yeux. Combien moins le sera l'homme qui n'est que pourriture, et le fils de l'homme qui n'est qu'un ver. » Alors Job répondit en ces termes, « De qui es-tu l'auxiliaire ? Est-ce du faible ? Et soutiens-tu le bras d'un être dénué de force ? À qui donnes-tu un conseil ? Est-ce à celui qui n'a pas de sagesse ? Vraiment, tu as manifesté une immense prudence. Qui veux-tu instruire ? N'est-ce pas celui qui a créé le souffle de la vie ? Les géants même, et ceux qui habitent avec eux, gémissent sous les eaux. Le séjour des morts est à nu devant lui, et l'abîme sans aucun voile. Il étend le septentrion sur le vide et suspend la terre sur le néant. Il lie les eaux dans ses nuées, afin qu'elles ne fondent pas sur la terre toutes ensemble. Il couvre la face de son trône et il répand sur lui sa nuée. Il a entouré les eaux d'une limite jusqu'aux confins de la lumière et des ténèbres. Les colonnes du ciel tremblent et s'effrayent à son moindre signe. Sa puissance a rassemblé les mers en un instant et sa sagesse en a dompté l'orgueil. Son esprit a orné les cieux, et l'adresse de sa main a fait paraître le serpent plein de replis. Ce n'est là qu'une partie de ses œuvres, et si nous n'avons entendu qu'un léger murmure de sa voix, qui pourra soutenir le tonnerre de sa grandeur ? Job prit encore la parole sous une forme sentencieuse et il dit « Par le Dieu vivant qui refuse de me faire justice et par le Tout-Puissant qui a rempli mon âme d'amertume, tant que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste et ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous croire équitable. Tant que je vivrai, je ne me désisterai pas de mon innocence. » Je n'abandonnerai pas la justification que j'ai commencé de produire, car mon cœur ne me reproche rien dans toute ma vie. Que mon ennemi soit regardé comme un impie, et celui qui me combat comme un homme injuste. Car quelle est l'espérance de l'hypocrite s'il vole par avarice et que Dieu ne délivre point son âme? Dieu entendra-t-il ses cris lorsque l'affliction viendra sur lui? Ou pourra-t-il faire du Tout-Puissant ses délices et invoquer Dieu en tout temps? Je vous enseignerai avec le secours de Dieu. Je ne vous cacherai point les desseins du Tout-Puissant. Mais vous le savez déjà tous. Pourquoi donc vous répandre inutilement en de vains discours? Voilà le sort que Dieu réserve à l'homme impie et l'héritage que les violents recevront du Tout-Puissant. S'il a des fils en grand nombre, ils passeront par le glaive et ses petits-enfants ne seront point rassasiés de pain. Ceux qui resteront de sa race seront ensevelis dans leurs ruines, et ses veuves ne le pleureront point. S'il amoncelle l'argent comme de la terre, s'il amasse des vêtements comme de la boue, il est vrai qu'il les aura amassés, mais le juste s'en revêtira, et l'innocent partagera son argent. Ce qu'il a bâti sera comme la maison de la teigne, et comme la cabane d'un gardien. Lorsque le riche s'endormira, il n'emportera rien avec lui. Il ouvrira les yeux et il ne trouvera rien. L'indigence le surprendra comme une inondation. La tempête l'emportera pendant la nuit. Un vent brûlant le saisira et l'emportera et l'enlèvera de sa place comme un tourbillon. Dieu enverra sur lui plaie sur plaie et ne l'épargnera point. Et il s'efforcera d'échapper à sa main. On battra des mains sur lui et on le sifflera en voyant la place qu'il occupait. L'argent a une source de ses veines et l'or a un lieu où on l'épure. Le fer se tire de la terre et la pierre fondue par la chaleur se change en airain. L'homme met fin aux ténèbres. Il considère lui-même la fin de toute chose et aussi la pierre ensevelie dans l'obscurité et l'ombre de la mort. Le torrent sépare du peuple voyageur ceux qu'a oublié le pied de l'homme pauvre et qui sont hors de la voie. La terre, d'où le pain naissait comme de son lieu, a été bouleversé par le feu. Le saphir se trouve dans ses pierres et ses mottes sont de l'or. L'oiseau en a ignoré la route et l'œil du vautour ne l'a point vu. Les fils des marchands n'y ont point marché et la lionne n'y a point passé. Il a étendu sa main sur les rochers. Il a renversé les montagnes jusque dans leurs racines. Il a taillé des ruisseaux dans les pierres et son œil a vu tout ce qui est précieux. Il a scruté le fond des fleuves et il a produit au jour les trésors cachés. Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Et quel est le lieu de l'intelligence? L'homme en ignore le prix et elle ne se trouve point dans la terre de ceux qui vivent délicatement. L'abîme dit, elle n'est point en moi et la mer, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne point pour l'or le plus pur et elle ne s'achète pas au poids de l'argent. On ne la mettra point en comparaison avec les étoffes teintes des Indes, ni avec la sardoine la plus précieuse ou le saphir. On ne lui égalera ni l'or, ni le verre, et on ne la donnera point en échange pour des vases d'or. Ce qu'il y a de plus grand et de plus élevé ne sera pas même mentionné auprès d'elle. Mais la sagesse se tire d'une source cachée. On ne la comparera point avec la topaze d'Éthiopie, ni avec les teintures les plus éclatantes. D'où vient donc la sagesse? Et où l'intelligence se trouve-t-elle? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Elle est inconnue même aux oiseaux du ciel. La perdition et la mort ont dit, « Nous avons entendu parler d'elle. » C'est Dieu qui connaît sa voix. Lui qui sait le lieu où elle habite. Car il contemple les extrémités du monde et il considère tout ce qui se passe sous le ciel. C'est lui qui a réglé le poids des vents, lui qui a pesé et mesuré les eaux. Lorsqu'il prescrivait une loi aux pluies et un chemin aux tempêtes retentissantes, alors il l'a vue, il l'a découverte, il l'a préparée et il l'a fondée. Et il a dit à l'homme, « La crainte du Seigneur, voilà la sagesse, et se retirer du mal, c'est l'intelligence. » Job, reprenant son discours sentencieux, parla encore en ces termes. « Qui me donnera d'être comme au temps d'autrefois, comme au jour où Dieu me gardait, lorsque sa lampe luisait sur ma tête et qu'à sa lumière je marchais dans les ténèbres, comme j'étais au jour de ma jeunesse, lorsque Dieu habitait en secret dans ma tente, lorsque le Tout-Puissant était avec moi et mes enfants autour de moi, lorsque je lavais mes pieds dans le lait caillé et que la pierre répandait pour moi des ruisseaux d'huile, lorsque je m'avançais vers la porte de la ville et que l'on me préparait un siège dans la place publique. Les jeunes gens me voyaient et se cachaient, les vieillards se levant demeuraient debout, les princes cessaient de parler et ils mettaient le doigt sur leur bouche, les chefs retenaient leur voix et leur langue demeurait attachée à leur palais. L'oreille qui m'écoutait me proclamait bienheureux, et l'œil qui me voyait me rendait témoignage parce que j'avais délivré le pauvre qui criait et l'orphelin privé de secours. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi et je consolais le cœur de la veuve. Je me suis revêtu de la justice et l'équité me servit comme d'un manteau et d'un diadème. J'ai été l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des pauvres et j'examinais avec un soin extrême l'affaire que je ne connaissais pas. Je brisais les mâchoires de l'injuste, et je lui arrachais sa proie d'entre les dents. Je disais, « Je mourrai dans mon nid, et je multiplierai mes jours comme le palmier. Ma racine s'étend le long des eaux, et la rosée se reposera sur mes branches. Ma gloire se renouvellera sans cesse, et mon arc se fortifiera dans ma main. » Ceux qui m'écoutaient attendaient mon avis, et ils se taisaient, attentifs à mon sentiment. Ils n'osaient rien ajouter à mes paroles, et elles tombaient sur eux comme la rosée. Ils me désiraient comme la pluie, et leurs bouches s'ouvraient comme aux ondées de l'arrière-saison. Si parfois je leur souriais, ils ne pouvaient le croire, et la lumière de mon visage ne tombait pas à terre. Quand je voulais aller parmi eux, je prenais la première place, et lorsque j'étais assis comme un roi au milieu de ses gardes, je ne laissais pas d'être le consolateur des affligés. Mais maintenant je sers de jouet à de plus jeunes que moi, dont je ne daignais pas mettre les pères avec les chiens de mon troupeau, car la force de leurs mains ne m'eût servi de rien, et ils étaient même regardés comme indignes de la vie. Desséchés par la faim et la pauvreté, ils rongeaient le désert, défigurés par l'affliction et la misère. Ils mangeaient l'herbe et l'écorce des arbres et se nourrissaient de la racine des genévriers. Ils allaient ravir ces aliments dans les vallées, et quand ils les découvraient, ils y accouraient avec de grands cris. Ils habitaient dans les creux des torrents, dans les cavernes de la terre ou sur le gravier. Ils trouvaient leur joie dans cet état, et ils regardaient comme des délices d'être sous les buissons. Fils d'insensés et d'hommes ignobles, mépris et rebut du pays. Je suis devenu le sujet de leurs chansons, je suis l'objet de leurs railleries. Ils m'ont en horreur et ils fuient loin de moi, et ils ne craignent pas de me cracher au visage. Car Dieu a ouvert son carquois pour me faire souffrir, et il a mis un frein à ma bouche. Quand je me lève, mes maux se dressent aussitôt à ma droite. Ils ont renversé mes pieds, et ils m'ont accablé de leur menée comme sous des flots.

Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Car il n'est plus au pouvoir de l'homme de venir en jugement devant Dieu. Il en brisera une multitude innombrable et il en établira d'autres à leur place. Car il connaît leurs œuvres. Et c'est pour cela qu'il répandra la nuit sur eux et qu'il les brisera. Il les frappera comme des impies à la vue de tout le monde, eux qui se sont retirés de lui comme à dessein et qui n'ont pas voulu comprendre toutes ses voix pour faire monter jusqu'à lui le cri de l'indigent et pour lui faire entendre la voix des pauvres. Car s'il donne la paix, quel est celui qui le condamnera? S'il cache son visage, qui le contemplera, qu'il s'agisse des nations en général ou de tous les hommes? C'est lui qui fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. Puis donc j'ai parlé à Dieu, je ne t'empêcherai pas non plus de le faire. Si je me suis trompé, enseigne-moi. Si ce que j'ai dit n'est pas juste, je n'ajouterai rien de plus. Dieu te demandera-t-il ton avis si une chose t'a déplu? Car c'est toi qui as commencé à parler, et non pas moi. Si tu sais quelque chose de meilleur, dis-le. Que les hommes intelligents me parlent et que l'homme sage m'écoute. Mais Job a parlé inconsidérément et il ne paraît point de sagesse dans ses discours. Mon père, que Job soit éprouvé jusqu'à la fin. N'épargnez point l'homme d'iniquité. Puisqu'il ajoute le blasphème à ses péchés, qu'il soit encore mis dans l'angoisse parmi nous, et ensuite qu'il appelle Dieu en jugement par ses discours. Élu parla encore en ces termes. « Crois-tu avoir une pensée raisonnable quand tu as dit « Je suis plus juste que Dieu » Car tu as dit « Ce qui est juste ne vous plaît point » ou « Quel avantage retirerez-vous si je pêche ?» Je répondrai donc à tes discours et à tes amis aussi bien qu'à toi. Regarde le ciel, considère et contemple combien le firmament est plus haut que vous. Si tu pêches, en quoi nuiras-tu à Dieu? Et si tes iniquités se multiplient, que feras-tu contre lui? Et si tu es juste, que lui donneras-tu ou que recevra-t-il de ta main? Ton impiété peut nuire à un homme semblable à toi, et ta justice peut servir au fils de l'homme. Ils crieront à cause de la multitude des calomniateurs, et ils gémiront à cause de la violence du bras des tyrans. Et nul d'eux ne dit « Où est le Dieu qui m'a créé, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous éclaire plus que les oiseaux du ciel ?» Ils crieront alors, et il ne les exaucera point, à cause de l'orgueil des méchants. Dieu n'exauce donc point sans raison, et le Tout-Puissant considère avec attention la cause de chacun. Lors même que tu as dit, il ne considère point, ta cause est devant lui, et attends-le. Car maintenant il ne manifeste pas sa fureur, et il ne punit pas rigoureusement le crime. C'est donc en vain que Job ouvre la bouche, et qui multiplie les paroles insensées. Élu ajouta encore et dit, « Supporte-moi un peu et je t'enseignerai, car j'ai encore à parler pour Dieu. » Je prendrai ma science à sa source et je prouverai que mon Créateur est juste, car il est certain qu'il n'y a pas de mensonge dans mes discours, et je te prouverai que ma science est parfaite. Dieu ne rejette pas les puissants, puisqu'il est puissant lui-même, mais il ne sauve pas les impies et il fait justice aux pauvres. Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste et il établit les rois pour toujours sur le trône et ils y demeurent élevés. Et s'ils sont dans les chaînes et resserrés par les liens de la pauvreté, il leur découvrira leurs œuvres et leurs crimes parce qu'ils ont été violents. Il leur ouvrira aussi l'oreille pour les reprendre et il leur parlera afin qu'ils reviennent de leur iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la gloire. Mais s'ils n'écoutent pas, ils passeront par le glaive et ils périront dans leur folie. Ceux qui sont dissimulés et doubles de cœur provoquent la colère de Dieu. Ils ne crieront point lorsqu'ils seront dans les chaînes. Leur âme mourra dans la tourmente et leur vie aura le sort des efféminés. Dieu retirera le pauvre de l'angoisse et lui ouvrira l'oreille dans la tribulation. Après t'avoir sauvé de l'abîme étroit et sans fond, il te mettra au large et tu te reposeras à ta table chargée de mets succulents. Ta cause a été jugée comme celle d'un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que la colère ne t'entraîne donc pas à opprimer l'innocent et que la multitude des présents ne te fasse pas dévier. Abaisse, sans que l'affliction t'y oblige, ta grandeur et tous tes sentiments présomptueux. Ne soupire pas après la nuit, dans laquelle les peuples entrent tour à tour. Garde-toi de te livrer à l'iniquité, car tu t'es mis à la suivre après être tombé dans la misère. Vois, Dieu est sublime dans sa puissance, et personne ne lui est semblable parmi les législateurs. Qui pourra approfondir ses voies, ou qui peut lui dire « Vous avez fait une injustice » Souviens-toi que tu ne comprends pas son œuvre, que les hommes célèbrent par leur chant. Tous les hommes la voient, chacun la contemple de loin. Certes, Dieu est grand, il dépasse notre science, le nombre de ses années est innombrable. Il attire en haut les gouttes de pluie et les fait retomber comme des torrents. Elles se précipitent, des nuées qui couvrent toute la face du ciel. Il étend les nuages quand il veut, comme sa tente. Il fait briller d'en haut les éclairs et il couvre la mer d'une extrémité à l'autre. Par là, il juge les peuples et il distribue la nourriture à un grand nombre d'hommes. Il cache la lumière dans ses mains et il lui commande ensuite de paraître de nouveau. Il fait connaître à celui qui aime quel est son partage et qu'il pourra s'élever jusqu'à elle. C'est pour cela que mon cœur est saisi d'effroi et qu'il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez sa voix terrible et les sons qui sortent de sa bouche. Il contemple toute la voûte des cieux et sa lumière brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, un rugissement retentit, il tonne de sa voix majestueuse et on ne peut suivre sa trace lorsque sa voix s'est fait entendre. Dieu tonne avec sa voix d'une façon merveilleuse. Il fait des choses grandes et impénétrable. Il commande à la neige de descendre sur la terre, et aux pluies de l'hiver, et aux averses impétueuses. Il met le sceau sur la main de tous les hommes, afin que chacun reconnaisse ses œuvres. La bête rentre dans sa tanière, et elle demeure dans sa caverne. La tempête sort de ses retraites, et le froid des régions du nord. Au souffle de Dieu, la glace se durcit, et les eaux s'écoulent ensuite abondamment. Le froment désire les nuées, et les nuées répandent leur lumière. Elles se dirigent en tous sens, partout où les conduit la volonté de celui qui les gouverne pour accomplir tous ses ordres sur la surface du globe, soit dans une tribu, soit sur sa propre terre, soit en tout autre lieu où sa miséricorde leur aura ordonné de se trouver. Job, écoute ces choses. Arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu quand Dieu a commandé aux pluies de faire paraître la lumière de ses nuées? Connais-tu les grandes routes des nuages et la parfaite science? Tes vêtements ne sont-ils pas chauds lorsque le vent du midi souffle sur la terre? Tu as peut-être créé avec lui les cieux, qui sont aussi solides que les reins fondus? Apprends-nous ce que nous pourrons lui dire, car pour nous, nous sommes enveloppés de ténèbres. Qui lui rapportera ce que je dis? L'homme qui lui parlerait serait anéanti. Mais maintenant, il ne voit pas la lumière, l'air s'épaissit tout à coup en nuée et un vent qui passe les dissipera. L'or vient de l'Aquilon et c'est une chose redoutable que de louer Dieu. Nous ne pouvons le trouver dignement. Il est grand par la force, par l'équité, par la justice et on ne saurait le décrire. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre et nul de ceux qui se croient sages n'osera contempler sa grandeur. Alors le Seigneur parla à Job du milieu d'un tourbillon et lui dit « Quel est celui qui obscurcit les pensées par des discours inconsidérés ? Saint-Terrain comme un homme, je t'interrogerai et tu me répondras. Où étais-tu quand je jetais les fondements de la terre ? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Sais-tu qui en a réglé les mesures ou qui a tendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles affermies ? Ou qui a posé sa pierre angulaire, tandis que les astres du matin me louaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Qui a enfermé la mer avec des portes lorsqu'elle s'élançait comme du sein maternel, lorsque je lui donnais les nuées pour vêtements et que je l'enveloppais d'obscurité comme de l'ange d'enfant ? Je l'ai resserré dans mes limites, je lui ai mis des barrières et des portes, et j'ai dit « Tu viendras jusqu'ici, et tu ne passeras pas plus loin, et tu briseras là l'orgueil de tes flots. Est-ce toi qui, depuis ta naissance, as donné des ordres à l'étoile du matin, et qui a montré sa place à l'aurore ? As-tu saisi les extrémités de la terre, la secouant pour en rejeter les impies ? Elle se transforme alors comme l'argile sous le cachet, et elle se montre comme couverte d'un vêtement. La lumière des impies leur sera enlevée, et leur bras qui se lève sera brisé. Es-tu entré jusqu'au fond de la mer ? Et t'es-tu promené aux extrémités de l'abîme ? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes ? Et as-tu vu ces portes ténébreuses ? As-tu considéré l'étendue de la terre ? Indique-moi toutes ces choses, si tu les connais. Sur quelle route habite la lumière ? Et quelle est la demeure des ténèbres, afin que tu les conduises toutes deux à leurs limites et que tu connaisses les sentiers de leur séjour ? Savais-tu alors que tu devais naître ? Et connaissais-tu le nombre de tes jours ? Es-tu entré dans les trésors de la neige ? Ou as-tu contemplé les trésors de la grêle que j'ai préparés pour le temps de l'ennemi, pour le jour de la guerre et du combat ? Par quelle voie la lumière se divise-t-elle et la chaleur se répand-elle sur la terre ? Qui a ouvert une route aux pluies impétueuses et un passage au tonnerre éclatant pour faire pleuvoir dans une terre sans habitants, dans un désert où aucun mortel ne demeure, pour inonder les lieux solitaires et isolés et pour y faire germer l'herbe verte? Qui est le père de la pluie et qui a engendré les gouttes de rosée? Du sein de qui la glace est-elle sortie et qui a engendré la gelée du ciel? Les eaux se durcissent comme la pierre, et la surface de l'abîme devient solide. Pourras-tu joindre ensemble les brillantes étoiles des Pléiades et détourner l'ours de son cours ? Est-ce toi qui fais paraître en son temps l'étoile du matin et qui fais lever l'étoile du soir sur les habitants de la terre ? Connais-tu l'ordre du ciel et règles-tu son influence sur la terre ? Élèveras-tu ta voix jusqu'aux nuées et des torrents d'eau te recouvriront-ils ? Lances-tu des tonnerres et partent-ils à l'instant et, revenant ensuite, te disent-ils « Nous voici ». Qui a mis la sagesse dans le cœur de l'homme ? Ou qui a donné au coq l'intelligence ? Qui exposera l'arrangement des cieux et qui fera taire leur harmonie ? Quand la poussière se répand-elle sur la terre et quand les mottes se colleront-elles ensemble ? Prendras-tu la proie pour la lionne ? Et rassasiras-tu la faim de ces petits lorsqu'ils sont couchés dans leurs antres et qu'ils sont en embuscade dans leurs cavernes ? Qui prépare au corbeau sa nourriture lorsque ces petits courent çà et là et crient vers Dieu parce qu'ils n'ont rien à manger ? Connais-tu le temps où les chèvres sauvages mettent bas dans les rochers ? Ou as-tu observé l'enfantement des biches ? As-tu compté les mois de leur portée ? Et sais-tu le temps où elles enfantent ? Elles se courbent pour faire sortir leur fang, et elles le mettent au jour en poussant des gémissements. Leurs petits se séparent d'elles et vont au pâturage. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui a mis en liberté l'âne sauvage et qui a rompu ses liens ? Je lui ai donné une demeure dans le désert et des tentes dans la terre salée. Il méprise le tumulte de la ville. Il n'entend pas les cris d'un maître impérieux. Il regarde les montagnes où sont ses pâturages et il cherche partout des herbages verts. Le rhinocéros voudra-t-il te servir et demeurera-t-il à ton étable ? liras-tu le rhinocéros avec une corde pour qu'il laboure et pour qu'il brise derrière toi les mottes des vallons? Auras-tu confiance en sa grande vigueur et lui abandonneras-tu tes travaux? Compteras-tu sur lui pour ramener ta récolte et pour l'amasser dans ton aire? La plume de l'autruche est semblable à celle de la cigogne et de l'épervier. Lorsqu'elle abandonne ses œufs sur la terre, c'est toi peut-être qui les échaufferas dans la poussière. Elle oublie qu'on les foulera aux pieds ou que la bête sauvage les écrasera. Elle est dure pour ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle a travaillé en vain sans qu'aucune crainte l'y forçât, car Dieu l'a privée de sagesse et ne lui a point donné l'intelligence. Quand il le faut, elle élève ses ailes, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donne au cheval sa force et qui lui fait pousser ses hennissements? Le feras-tu bondir comme les sauterelles? La fierté de son souffle répand la terreur. Il creuse du pied la terre, il tressaille d'audace, il s'élance au-devant des hommes armés, il dédaigne la peur et il ne recule pas devant le glaive. Sur lui retentit le carquois, s'agite la lance et le bouclier. Il écume, il frémit, il dévore la terre, il ne se contient pas au bruit du clairon. Dès qu'il entend la trompette, il dit « Allons !» De loin, il flaire la bataille, la voix des chefs et les cris des armées. Est-ce par ta sagesse que l'épervier se couvre de plumes étendant ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Il demeure dans les rochers, dans les montagnes escarpées et dans les rocs inaccessibles. De là, il contemple sa proie et ses yeux découvrent au loin. Ses petits sucent le sang, et partout où se trouve un cadavre, ils y font aussitôt. Le Seigneur parla de nouveau à Job et lui dit « Ce qui dispute contre Dieu se réduit-il si facilement au silence? Certes, quiconque reprend Dieu doit lui répondre. » Job, répondant au Seigneur, lui dit « Moi qui ai parlé avec légèreté, que puis-je répondre? Je n'ai qu'à mettre ma main sur ma bouche. J'ai dit une chose, et puissais-je ne l'avoir pas dite, et une autre encore, et je n'ajouterai rien de plus. » Le Seigneur, parlant à Job du milieu d'un tourbillon, lui dit « Saint Airain comme un homme, je t'interrogerai et réponds-moi. Prétends-tu anéantir ma justice et me condamneras-tu pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu et ta voix tonne-t-elle comme la sienne? Revais-toi de magnificence, élève-toi bien haut, sois glorieux et pars-toi de vêtements magnifiques. Dissipe les superbes dans ta fureur et d'un regard humilie tout insolent. Jette les yeux sur tous les orgueilleux et confonds-les, et écrase sur place les impies. Cache-les tous ensemble dans la poussière, et plonge leur visage dans la fosse. Et alors, je confesserai que ta droite a le pouvoir de te sauver. Voici Béhémoth, que j'ai créé avec toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Sa force est dans ses reins, et sa vigueur dans le nombril de son ventre. Il dresse sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses testicules sont entrelacés. Ses os sont comme des tubes d'airain, ses cartilages comme des lames de fer. Il est à la tête des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait dirige son glaive. Les montagnes lui produisent des herbages. C'est là que se jouent toutes les bêtes des champs. Il dort sous l'ombre, dans le secret des roseaux et dans les lieux humides. Les ombres couvrent son ombre, les saules du torrent l'environnent. Il absorbera le fleuve et il ne s'en étonnera pas. Et même, il se promet que le Jourdain coulera dans sa gueule. On le prendra en face, comme avec un hameçon, et on lui percera les narines avec des pieux. Pourras-tu enlever Léviathan à l'hameçon et lui lier la langue avec une corde? Lui passeras-tu un cercle aux narines et lui perceras-tu la mâchoire avec un anneau? Multipliera-t-il devant toi les prières et te dira-t-il de douces paroles? Fera-t-il un pacte avec toi et le recevras-tu comme un esclave perpétuel? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau, et l'attacheras-tu pour tes servantes? Les pêcheurs associés le couperont-ils en morceaux, et les marchands le diviseront-ils? Rempliras-tu tes filets de sa peau, et de sa tête le réservoir à poissons?

Ils témoignèrent leur compassion pour lui et ils le consolèrent de tout le mal que le Seigneur lui avait envoyé. Et ils donnèrent chacun une brebis et un pendant d'oreille en or. Quant au Seigneur, il bénit plus encore les dernières années de Job que les premières, et il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Et il nomma la première Jour, la seconde Cass, et la troisième Corne d'Antimoine. Il n'y eut point dans toute la terre de femmes aussi belles que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage comme à leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et il mourut âgé et plein de jours.